destruction. Désunis, plus j'ai attendu, plus j'ai perdu. Se perd. J'ai rêvé. J'ai rêvé douleur. J'ai perdu l'odeur. Y a-t-il au fond de la perdition navigué des acheter des biens qui ne servent à rien.